Chapitre 6e. Ce qu'il n'est pas possible d'ignorer et ce qu'il n'est plus permis de croire dans les États-Unis. La proposition Barbicane avait eu pour résultat immédiat de remettre à l'ordre du jour tous les faits astronomiques relatifs à l'astre des nuits. Chacun se mit à l'étudier assidûment. Il semblait que la lune apparût pour la première fois sur l'horizon et que personne ne l'eût encore entretenue dans les cieux. Elle devint à la mode. Elle fut la lionne du jour sans en paraître moins modeste, et prit rang parmi les étoiles sans en montrer plus de fierté. Les journaux ravivèrent les vieilles anecdotes dans lesquelles ce soleil des loups jouait un rôle. Ils rappelèrent les influences que lui prêtait l'ignorance des premiers âges. Ils le chantèrent sur tous les tons. Un peu plus, ils eussent cité de ses bons mots. L'Amérique entière fut prise de sélénomanie. De leur côté, les revues scientifiques traitèrent plus spécialement les questions qui touchaient l'entreprise du Gun Club. La lettre de l'Observatoire de Cambridge fut publiée par elle, commentée et approuvée sans réserve. Bref, il ne fut plus permis, même au moins lettré des Yankees, d'ignorer un seul des faits relatifs à son satellite, ni à la plus bornée des vieilles Misses d'admettre encore de superstitieuses erreurs à son endroit. La science leur arrivait sous toutes les formes, elle les pénétrait par les yeux et les oreilles. Impossible d'être un âne en astronomie. Jusqu'alors, bien des gens ignoraient comment on avait pu calculer la distance qui sépare la Lune de la Terre. On profita de la circonstance pour leur apprendre que cette distance s'obtenait par la mesure de la parallaxe de la Lune. Si le mot « parallaxe » semblait les étonner, on leur disait que c'était l'angle formé par deux lignes droites menées de chaque extrémité du rayon terrestre jusqu'à la Lune. Doutaient-ils de la perfection de cette méthode, on leur prouvait immédiatement que non seulement cette distance moyenne était bien de 234 347 milles ou 94 330 lieues, mais encore que les astronomes ne se trompaient pas de 70 000 30 lieues. À ceux qui n'étaient pas familiarisés avec les mouvements de la Lune, les journaux démontraient quotidiennement qu'elle possède deux mouvements distincts, le premier dit de rotation sur un axe, le second dit de révolution autour de la Terre, s'accomplissant tous les deux dans un temps égal, soit 27 jours et un tiers. Le mouvement de rotation est celui qui crée le jour et la nuit à la surface de la Lune. Seulement il n'y a qu'un jour, il n'y a qu'une nuit par mois lunaire, et ils durent chacun 354 heures et un tiers. Mais, heureusement pour elle, la face tournée vers le globe terrestre est éclairée par lui avec une intensité égale à la lumière de 14 lunes. Quant à l'autre face, toujours invisible, elle a naturellement 354 heures d'une nuit absolue, tempérée seulement par cette pâle clarté qui tombe des étoiles. Ce phénomène est uniquement dû à cette particularité que les mouvements de rotation et de révolution s'accomplissent dans un temps rigoureusement égal, phénomène commun, suivant Cassini et Herschel, aux satellites de Jupiter et très probablement à tous les autres satellites. Quelques esprits bien disposés, mais un peu rétifs, ne comprenaient pas tout d'abord que si la Lune montrait invariablement la même face à la Terre pendant sa révolution, c'est que, dans le même laps de temps, elle faisait un tour sur elle-même. À cela, on disait « Allez dans votre salle à manger et tournez autour de la table de manière à toujours en regarder le centre. Quand votre promenade circulaire sera achevée, vous aurez fait un tour sur vous-même, puisque votre œil aura parcouru successivement tous les points de la salle. Eh bien, la salle, c'est le ciel, la table, c'est la terre, et la lune, c'est vous. » Et il s'en allait enchanté de la comparaison. Ainsi donc, la lune montre sans cesse la même face à la terre. Cependant, pour être exact, il faut ajouter que, par suite d'un certain balancement du nord au sud et de l'ouest à l'est, appelé libration, elle laisse apercevoir un peu plus de la moitié de son disque, soit les 57 centièmes environ. Lorsque les ignorants en savaient autant que le directeur de l'Observatoire de Cambridge sur le mouvement de rotation de la Lune, ils s'inquiétaient beaucoup de son mouvement de révolution autour de la Terre, et 20 revues scientifiques avaient vite fait de les instruire. Ils apprenaient alors que le firmament, avec son infinité d'étoiles, peut être considéré comme un vaste cadran, sur lequel la Lune se promène en indiquant l'heure vraie à tous les habitants de la Terre. Que c'est dans ce mouvement que l'astre des nuits présente ses différentes phases, que la Lune est pleine quand elle est en opposition avec le Soleil, c'est-à-dire lorsque les trois astres sont sur la même ligne, la Terre étant au milieu, que la Lune est nouvelle quand elle est en conjonction avec le Soleil, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve entre la Terre et lui. Enfin, que la Lune est dans son premier ou dans son dernier quartier quand elle fait avec le Soleil et la Terre un angle droit dont elle occupe le sommet. Quelques Yankees perspicaces en déduisaient alors cette conséquence que les éclipses ne pouvaient se produire qu'aux époques de conjonction ou d'opposition, et ils raisonnaient bien. En conjonction, la Lune peut éclipser le Soleil, tandis qu'en opposition, c'est la Terre qui peut l'éclipser à son tour, et si ces éclipses n'arrivent pas deux fois par lunaison, c'est parce que le plan suivant lequel se meut la Lune est incliné sur l'écliptique, autrement dit, sur le plan suivant lequel se meut la Terre. Quant à la hauteur que l'astre des nuits peut atteindre au-dessus de l'horizon, la lettre de l'Observatoire de Cambridge avait tout dit à cet égard. Chacun savait que cette hauteur varie suivant la latitude du lieu où on l'observe. Mais les seules zones du globe pour lesquelles la Lune passe au zénith, c'est-à-dire vient se placer directement au-dessus de la tête de ses contemplateurs, sont nécessairement comprises entre les 28e parallèle et l'équateur. De là, cette recommandation importante de tenter l'expérience sur un point quelconque de cette partie du globe, afin que le projectile puisse être lancé perpendiculairement et échapper ainsi plus vite à l'action de la pesanteur. C'était une condition essentielle pour le succès de l'entreprise, et elle ne laissait pas de préoccuper vivement l'opinion publique. Quant à la ligne suivie par la Lune dans sa révolution autour de la Terre, l'observateur de Cambridge avait suffisamment appris, même aux ignorants de tous les pays, que cette ligne est une courbe rentrante, non pas un cercle, mais bien une ellipse, dont la Terre occupe un des foyers. Ces orbites elliptiques sont communes à toutes les planètes aussi bien qu'à tous les satellites, et la mécanique rationnelle prouve rigoureusement qu'il ne pouvait en être autrement. Il était bien entendu que la Lune, dans son apogée, se trouvait plus éloignée de la Terre et plus rapprochée dans son périgée. Voilà donc ce que tout Américain savait bon gré mal gré, ce que personne ne pouvait décemment ignorer. Mais si ces vrais principes se vulgarisèrent rapidement, beaucoup d'erreurs, certaines craintes illusoires, furent moins faciles à déraciner. Ainsi, quelques braves gens, par exemple, soutenaient que la Lune était une ancienne comète, laquelle, en parcourant son orbite allongée autour du Soleil, vint à passer près de la Terre et se trouva retenue dans son cercle d'attraction. Ces astronomes de salon prétendaient expliquer ainsi l'aspect brûlé de la Lune, malheur irréparable dont ils se prenaient à l'astre radieux. Seulement, quand on leur faisait observer que les comètes ont une atmosphère et que la Lune n'en a que peu ou pas, ils restaient fort empêchés de répondre. D'autres, appartenant à la race des trembleurs, manifestaient certaines craintes à l'endroit de la Lune. Ils avaient entendu dire que depuis les observations faites au temps des califes, son mouvement de révolution s'accélérait dans une certaine proportion. Ils en déduisaient de là, fort logiquement d'ailleurs, qu'à une accélération de mouvement devait correspondre une diminution de la distance des deux astres, et que ce double effet se prolongeant à l'infini, la Lune finirait un jour par tomber sur la Terre. Cependant, ils durent se rassurer et cesser de craindre pour les générations futures quand on leur apprit que, suivant les calculs de Laplace, un illustre mathématicien français, cette accélération de mouvement se renferme dans des limites fort restreintes et qu'une diminution proportionnelle ne tardera pas à lui succéder. Ainsi donc, l'équilibre du monde solaire ne pouvait être dérangé dans les siècles à venir. Restait, en dernier lieu, la classe superstitieuse des ignorants. Ceux-là ne se contentent pas d'ignorer, ils savent ce qui n'est pas, et à propos de la Lune, ils en savaient long. Les uns regardaient son disque comme un miroir poli, au moyen duquel on pouvait se voir des divers points de la Terre et se communiquer ses pensées. Les autres prétendaient que sur 1000 nouvelles lunes observées, 950 avaient amené des changements notables, tels que cataclysmes, révolutions, tremblements de terre, déluges, etc. Ils croyaient donc à l'influence mystérieuse de l'astre des nuits sur les destinées humaines. Ils le regardaient comme le véritable contrepoids de l'existence. Ils pensaient que chaque sélénite était rattaché à chaque habitant de la Terre par un lien sympathique. Avec le docteur Méade, il soutenait que le système vital lui est entièrement soumis, prétendant, sans en démordre, que les garçons naissent surtout pendant la nouvelle lune et les filles pendant le dernier quart, etc. Mais enfin, il fallut renoncer à ces vulgaires erreurs, revenir à la seule vérité, et si la lune, dépouillée de son influence, perdit dans l'esprit de certains courtisans de tous les pouvoirs, si quelques dos lui furent tournés, l'immense majorité se prononça pour elle. Quant aux Yankees, ils n'eurent plus d'autre ambition que de prendre possession de ce nouveau continent désert et d'arborer à son plus haut sommet le pavillon étoilé des États-Unis d'Amérique.